19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. J'aurais cru, les rois fainéants sont à la mode. Pour être dans le vent, dans l'air du temps, serait-il de bon ton d'en parler? Peut-être issu de nos propres angoisses sociétales, le Moyen-Âge débarque et avec lui la féodalité, pire, les migrations barbares. Ce retour en force très 19e-iste serait-il de surcroît la revanche des Francs sur nos propres ancêtres, les vôtres, les miens, les Gaulois? À l'image des collégiens de la Troisième République, nos enfants vont-ils découvrir l'œuvre d'Augustin Thierry, ses récits des temps mérovingiens? Gardons raison présente. Dans le silence des plaines du Grand Est, les archéologues exhument au gré des chantiers les traces d'un royaume depuis longtemps révolu, laissé pour compte des manuels scolaires. La Neustrie, la Septimanie, non, l'Austrasie. Pour tout savoir sur Théodbert, Théodoric ou Théodbald, je me suis rendu à Saint-Dizier pour voir l'exposition Austrasie, royaume mérovingien oublié, et y rencontrer une archéologue, Marie-Cécile Truc de l'INRA, un historien, maître de conférence à l'Université de Paris-Nice, Bruno Dumézil, et un député maire, François Cornu-Gentil. Bruno Dumézil, tout commence par un crime odieux, l'assassinat de Galsvinte, jeune princesse visigothique. Oui, en 568, une affaire terrible dans le palais franc de Neustrie, le royaume de l'Est. Il y a eu un meurtre. La reine est morte, on ne connaît pas l'assassin, mais tout le monde suspecte le mari. Le mari, c'est Chilpéric, qui aurait tué sa femme. Le problème, c'est que la sœur de Galsvinte et la reine du royaume rival, l'Austrasie, Brunehaut. Et Brunehaut veut se venger du meurtre de sa sœur. Elle se vengera durant 40 ans ? En fait, non. Elle ne veut pas se venger, mais elle veut participer à la récupération de territoire. Donc, quoi de mieux qu'un meurtre odieux pour justifier une guerre d'abord, et ensuite toute une entreprise patiente de récupération de tout un certain nombre de villes, jusqu'à essayer de grignoter tout le royaume voisin. C'est aussi un beau tableau peint dans les années 1840. Au milieu du XIXe siècle, tout le monde est passionné par les mérovingiens. Les décorateurs de théâtre, les peintres d'histoire. On a une génération mérovingienne et effectivement, on a un très beau tableau d'Eugène Philastre fils qui représente le meurtre de Galsvinte dans une sorte de scène sadomasochiste avec la reine écartelée sur son lit à moitié nue en train d'être étranglée. On est en territoire du royaume d'Austrasie. Le royaume d'Austrasie, c'est le royaume qui se situe le plus à l'est. Il est issu des créations nées de la mort de Clovis en 511, lorsque ses fils se partagent le royaume. L'aîné des fils, le plus ambitieux, le plus puissant, Thierry Ier, récupère le royaume de l'est. Et donc, Galsvinte est la reine de ce royaume ? Alors, sa sœur Bruno est la reine de ce royaume. Galsvinte est la reine du royaume rival, du royaume de Neustrie, un royaume plus faible, un royaume beaucoup plus parisien d'une certaine façon, et un royaume sur lequel l'Austrasie guigne depuis très longtemps. Notre point de départ sera peut-être quelques très belles découvertes que vous avez faites, Marie-Cécile Truc, dans des conditions difficiles. Nous voici dans l'hiver 2002, à moins de 50 cm du sol, apparaît tout à fait l'inattendu. Eh bien, apparaît en fait la base d'un bassin en bronze qui avait été déposé dans la tombe d'une jeune femme. Et sur le coup, nous n'avons pas su pendant 3 semaines ce qu'il y avait, parce que comme nous avions 50 cm de glace sur le terrain, nous sommes repartis. Nous sommes revenus quelques semaines plus tard après le dégel, et là nous avons trouvé 3 tombes, 2 tombes masculines, chacune inhumée dans des chambres funéraires, et une tombe d'une jeune femme. Et chacune de ces tombes avait des objets d'une très grande richesse et en très grande quantité. Quand vous dites jeune femme, quel âge a-t-elle ? Elle a à peu près 18-20 ans. Donc nous disons jeune femme, voire adolescente, mais en fait, pour l'époque, c'est une femme avérée. Les hommes sont aussi parés d'armes ? Oui, alors celui que nous appelons jeune homme, mais qui en fait a déjà une 30aine d'années, possède une épée d'apparat, au pommeau gravé de runes. Il a également un skramasak, si vous voulez, un poignard ou un coutelas. Il possède également un couteau, mais il a aussi un angon, qui est vraiment une arme d'élite, une sorte de javelot, une lance, un bouclier, une hache. Bref, la panoplie complète du guerrier mérovingien, du guerrier franc, mais d'une très haute élite. Une épée avec des runes, c'est assez fréquent, Bruno Dumézil ? Non, c'est relativement rare pour le territoire où nous nous trouvons. Les runes sont une invention scandinave, ou disons germanique du Nord. En fait, des gens qui ont singé l'écriture romaine, vraisemblablement vers le 1er, 2e siècle de notre ère. Et ensuite, cette écriture prend généralement un sens magique. Sur l'inscription de Saint-Dizier, on voit le mot « alou » qui signifie « bière », qui ne signifie pas que le chef était amateur d'Heineken, vraisemblablement, mais plutôt que la bière participait au rituel guerrier de préparation à la bataille. J'ai lu aussi que ce rune faisait allégeance au roi. La rune peut-être pas, mais sur le pommeau de l'épée découvert par Marie-Cécile Truc, on voit un anneau de dignité, en fait deux anneaux entrelacés qui montrent un lien entre deux hommes. Il est vraisemblable que ici le chef était un proche du roi, le roi à cette époque-là étant donneur d'anneaux ou seigneur des anneaux. Les boucles de ceinture sont extrêmement fréquentes. À chaque fois que l'on découvre une sépulture mérovingienne, en général, il y a très souvent une boucle de ceinture. Vous en avez donc, bien sûr, dans vos sépultures. Vous en avez une qui me paraît tout à fait étonnante, dans un matériau tout à fait inattendu. Eh bien, le jeune guerrier, donc celui qui a une trentaine d'années, possède une boucle de ceinture en cristal de roche, avec un ardillon en argent. Et effectivement, ce type de boucle de ceinture au VIe siècle est assez rare et va se trouver uniquement dans des tombes d'élite, richement dotées. Le cristal de roche provient des Alpes et on lui attribue des vertus prophylactiques. Il est réputé pour lutter contre les fièvres, notamment. C'est une chose rare, Bruno Dumézil, pour vous ? Alors le cristal de roche, effectivement, est un matériau relativement rare, très difficile à travailler, dont la provenance est encore incertaine. Oui, les Alpes sans doute, peut-être éventuellement la Syrie. Un chercheur allemand a évoqué cette possibilité. Dans tous les cas, quelque chose qui vient de loin, comme toutes les pierres précieuses utilisées à cette époque-là, c'est un signe de l'élite que d'avoir accès aux produits du grand commerce international qui continue d'exister encore quelque peu. Et puis continuons l'inventaire, Marie-Cécile Truc. Vous avez aussi une sorte de fermoire d'aumônière qui posséderait des matériaux encore plus rares ? Alors nous avons deux fermoires d'aumônière. Alors le fermoir d'aumônière en fait est une armature métallique qui est, on ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne, peut-être cousue sur une sacoche en cuir, qui est donc l'aumônière de notre guerrier. Et nous avons donc dans l'un des deux fermoirs, il est orné d'un décor de cloisonné avec des grenats et des verroteries serties dans des cloisons d'argent doré. Et tout au centre, nous avons une minuscule incrustation de lapis lazuli. Et ce fermoir a été analysé par l'accélérateur de particules Aglaé au laboratoire du Louvre afin de connaître sa composition physico-chimique. Et il s'agit d'un unicum, du premier élément de lapis lazuli trouvé sur un objet mérovingien, qui plus est du VIe siècle. Il peut venir d'où ? Il ne peut venir que d'un seul endroit ? Alors, à cette époque-là, en effet, les gisements que l'on connaît proviendraient d'Afghanistan. On connaissait ces routes avec l'Afghanistan, l'Asie moyenne, jusqu'en France ou du moins jusqu'en Austrasie, Bruno Dumézil ? Directement, non. On connaît les routes qui vont jusqu'au Sri Lanka et en Inde. L'Afghanistan, non, mais on peut supposer aussi qu'il y a des échanges avec Byzance. Toute une partie de la jeunesse dorée austrasienne va faire une mission diplomatique à la cour impériale de Constantinople. Il passe 6 mois, 1 an, revient souvent avec des cadeaux. Donc on peut aussi imaginer que cet objet extraordinaire qu'est le lapis lazuli soit l'objet d'un échange à double entente. D'abord échange entre l'Afghanistan et Byzance, et ensuite un objet qui serait venu de Byzance. Donc c'est un objet exceptionnel. Ah, indiscutablement, mais il est tout petit, quoique superbe. Et d'ailleurs, il a été superbement mis en avant par l'orfèvre qu'il a placé au centre de sa composition. On connaît bien sûr les grenats. Les grenats ont un rôle extrêmement important durant ces 5e, 6e, 7e siècles. Ces grenats viennent aussi de contrées très lointaines. On évoque souvent le Sri Lanka. Les grenats viennent, d'après les analyses physico-chimiques, du Sri Lanka, du Rajasthan, d'Inde. Autant dire qu'on a affaire ici à un commerce bien connu à l'époque romaine qui part d'Arikamedu, c'est-à-dire d'un comptoir romain en Inde, qui suit les routes jusqu'à la mer Rouge, ensuite qui remonte via Alexandrie vers la Méditerranée et qui irrigue tout l'Occident. Mais ces grenats, en fait, cessent de venir jusqu'en Occident à partir des environs de l'an 600. Il y a des troubles en mer Rouge, les routes du commerce sont arrêtées, et à partir de 600, on fera appel à des pierres de Bohême, comme aujourd'hui le grenat de Bohême, éventuellement quelques pierres venues de péninsule ibérique, des pierres de moins bonne qualité, ce qui vous expliquera le changement total dans l'orfèvrerie occidentale entre le grand cloisonné trouvé à Saint-Dizier et des pièces beaucoup plus modestes que l'on trouvera au 7e siècle, notamment fabriquées par Saint-Éloi. Bruno de Mézil, vous savez tout ça par les textes ou par l'archéologie ? Les deux. Les deux sciences sont complémentaires. Depuis quelques temps, depuis quelques décennies maintenant, les historiens et les archéologues arrivent à se parler sans se fâcher. Ils ont conscience de parler parfois de choses différentes, mais les deux sciences sont complémentaires et permettent de reconstituer une époque sur laquelle, il faut bien l'avouer, les textes sont très rares et extrêmement partiaux. On a le point de vue essentiellement des hommes d'église, du roi, du palais, et pratiquement aucune source, ni sur l'élite, ni bien entendu sur les hommes du peuple. Je reviens à ce grand commerce très très lointain. C'est des liens tout à fait nouveaux ou est-ce que c'est tout simplement encore des circuits d'échange qui étaient liés à l'Antiquité, donc à Rome ? Ce sont des circuits d'échange romains. Pendant longtemps, archéologues et historiens ont fantasmé sur les Grenans en se disant « voilà une pierre rouge venue de Bohême, c'est bien la preuve que nous avons affaire à des Germains, que ces Francs qui à Paris vont en Gaule au 5e siècle ». Et puis, lorsqu'on a découvert que les pierres venaient d'Inde et du Sri Lanka, on s'est dit finalement « non ». Sont-ils germaniques, ne le sont-ils pas, ça n'a pas véritablement d'importance. Les Francs commencent à avoir une culture matérielle mérovingienne, des objets que l'on qualifiera véritablement de mérovingiens, qu'à partir du moment où ils entrent en contact avec le monde romain, à partir du moment où d'une certaine façon ils deviennent romains. Et on parle souvent d'orfèvrerie barbare, mais on pourrait parler également d'orfèvrerie byzantine. En fait, c'est une orfèvrerie qui est partagée par toutes les régions occidentales et même jusque dans la région du Bas Danube. Oui, c'est le truc. Les hommes sont en armes, hein. Donc épée, angon, qui est une sorte de lance, je crois. La femme a, elle, uniquement des parures. Elle a de la parure et de la vaisselle. Elle a une riche parure qui est typique vraiment de la mode du 6e siècle, d'une certaine élite que l'on va retrouver vraiment, je dirais, de Suisse ou d'Allemagne actuelle jusqu'en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'elle porte deux petites fibules à décor cloisonné à hauteur du cou, associées à deux fibules que l'on dit dans notre jargon d'archéologue ancé asymétrique, qui sont en fait de longues fibules ornées de digitations, des fibules en argent moulé, recouvert d'or. Et c'est cette association de fibules qui signe, je dirais, le statut un peu élevé de cette jeune femme. À ceci, il faut ajouter plus de 70 perles de matériaux variés que nous avons retrouvées sur son cou, sa poitrine et son abdomen. Elle portait ces perles matérialisées à un collier dont elle était parée, en perles d'ambre, mais elle avait également sans doute une sorte de plastron que nous n'avons pas encore pu complètement identifier, qui était peut-être cousu sur son vêtement, une broderie ornant son vêtement. Ce qui m'a surpris, moi, c'est qu'il y avait aussi la tombe d'un cheval. C'est une pratique courante durant ces époques, ce 6e siècle. Alors, la tombe de cheval est considérée comme une tradition germanique qui est déjà rapportée au cours du 1er siècle par Tacite, mais qu'on va trouver effectivement dans les régions plutôt rhénanes. Et elle va rester beaucoup plus développée dans les régions non christianisées. Donc, de notre côté, en Gaule austrasienne, c'est effectivement quelque chose d'assez rare. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Bruno de Mézil, au cours de cette période, le vrai centre de gravité économique de l'Europe, ce n'est pas l'actuelle France, c'est plutôt les pays scandinaves, les pays des mers du Nord. Jusqu'à la fin du 6e siècle, les produits arrivent par la Méditerranée. La Méditerranée reste active, la Méditerranée reste le centre d'un commerce avec des routes romaines, et la Méditerranée reste le centre de provenance de matériaux comme le papyrus, c'est-à-dire le support de l'écriture. Et puis, assez soudainement, vers 600, le commerce bascule. La peste frappe les régions méditerranéennes, il n'est plus facile de commercer, on a peur, et désormais on s'approvisionne en mer du Nord, y compris pour des produits comme la soie. La soie qui suivait la route de la soie jusqu'à Byzance, puis passait en Méditerranée, désormais passera par les routes de la Volga, la Baltique, ce qui bien entendu explique l'essor des Scandinaves au cours des 7e et 8e siècles. Vous parliez de papyrus, on écrit très très mal durant cette époque. Et oui, on écrit très mal, mais parce qu'on écrit beaucoup. Les Mérovingiens ont une écriture de chat parce qu'ils ont une pensée bureaucratique, pourrait-on dire. Ils écrivent tout, les testaments, les ordres du roi, jusqu'aux actes de divorce. On a conservé de très nombreux actes de divorce mérovingiens parce qu'il est impensable d'avoir un acte légal sans un acte écrit. Alors, malheureusement pour nous, tout ça a été écrit sur papyrus, on l'a perdu. Les Carolingiens écrivent beaucoup moins. À l'époque de Charlemagne, on écrit sur du robuste parchemin. C'est conservé, mais en fait, c'est parce que c'était très rare. Ces sépultures du début du 6e siècle se rattachent à ce que l'on appelle des tombes de chefs. Quelle est la répartition de ces tombes de chefs ? On en trouve partout dans l'Europe ? Les tombes de chefs sont rares. Elles forment une sorte de zone européenne qui ressemble à la banane bleue actuelle, c'est-à-dire du nord de l'Italie jusqu'au Kent. allongée globalement sur la Rhénanie. C'est un espace qui est peuplé par des élites que l'on appellera barbares, germaniques, mais qui sont relativement rares et qui ne se diffusent pas loin. On ne comprend pas exactement pourquoi, dans des endroits comme l'Aquitaine ou l'Auvergne, où il y a des francs, ces gens-là ne se font pas enterrer comme des chefs. Disons qu'à cet endroit-là, lorsque les structures romaines sont perturbées, on a besoin de manifester la hiérarchie autrement. La tombe de chef, c'est monumental, ça coûte très cher. On peut la montrer au public au moment des sépultures et vraisemblablement, ça sert à poser les nouvelles bases d'une société. Oui, c'est le truc. Vous les pensez chrétiens, vos élites de Saint-Dizier ? Je pense qu'ils sont chrétiens, puisqu'officiellement ils sont chrétiens à l'époque. Après, effectivement, nous avons par exemple la jeune femme porte une bague à motif cruciforme qui pourrait rappeler déjà l'empreinte chrétienne. Mais jusqu'à quel point la chrétienté et la foi a-t-elle pénétré ces personnes à l'époque, nul ne peut le mesurer. Benoît Dumézil, on est chrétien mais on est aussi encore païen. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. On a besoin de se montrer. Et on connaît des évêques qui se font enterrer avec des éperons, qui se font enterrer avec des harnachements de chevaux. On connaît même un évêque qui se fait enterrer avec son cheval. Alors, est-ce que c'est un évêque païen ? Non, c'est inconcevable. Il faut bien penser que les rites funéraires et la religion sont deux choses séparées. Il y a deux grammaires différentes. Parfois, on a besoin de sépultures de prestige, alors même que la religion laisse supposer que l'inhumation n'a pas de sens. C'est ce que disait déjà saint Augustin, qu'importe si l'on soit brûlé ou si l'on est inhumé, ça n'a pas de sens devant Dieu. Et pourtant, à l'époque de saint Augustin, ça a du sens et lui-même en est conscient. Bah ici, c'est le truc. Vous avez donc trois tombes exceptionnelles découvertes en 2002. En 2015, une nouvelle très belle tombe est trouvée. Oui, effectivement, en 2015, une troisième tombe masculine a été trouvée. Alors, elle se trouve à une centaine de mètres des tombes du 2002 et elle a été découverte à l'occasion de la fouille de la nécropole des Crassés, qui est menée par Stéphanie Desbrosses de Gaubertière et Raphaël Durost. Et sur cette villa antique, s'est greffée en fait une nécropole mérovingienne, au centre de laquelle est édifiée une église dont la datation n'est pas encore complètement connue, mais qui se trouverait dans le courant du Haut Moyen-Âge. Et à cet emplacement se trouve une tombe de chef. Cette tombe est très perturbée par l'installation d'un sarcophage qui a été remis par-dessus quelques années plus tard. Mais les objets qui nous restent de cette tombe sont en tout point semblables à ceux des chefs de 2002. C'est-à-dire que nous avons un bassin en bronze, une verrerie et deux armes, un angon et une lance. Et il y avait évidemment de nombreux autres dépôts qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Et la tombe du commun des mortels, elle est comment ? Eh bien, je dirais le mérovingien du VIe siècle peut se faire enterrer habillé, ça c'est clair. On peut lui trouver une boucle de ceinture en bronze, par exemple, éventuellement en argent, s'il est un peu plus doté. Si c'est un homme, il aura peut-être un scramassax, qui est alors à l'époque reste encore assez court. De temps en temps, il peut avoir une hache. Et la femme aura peut-être une ou deux fibules cloisonnées, peut-être un bracelet ou un collier, mais rarement tous ces éléments en même temps. Et si on a de la vaisselle, nous aurons plutôt une céramique. Mais nous n'aurons jamais un chaudron en bronze, un seau en bronze ou plusieurs verreries comme dans les tombes de chefs. Est-ce que l'on a réellement découvert l'habitat ? Puisque là, on est vraiment dans le funéraire, dans la nécropole. Est-ce que l'on a un habitat médiéval du VIe siècle austrasien ? Alors, nous avons un habitat médiéval qui est assurément daté du 8e au 12e siècle, qui a été fouillé dans les années 90. Et l'habitat, je dirais, contemporain de nos chefs est suspecté, mais n'est pas encore complètement compris et fouillé. Il faudra vraiment attendre la poursuite des fouilles pour en être certain. Mais cela pose également la question, nos chefs ont-ils vraiment vécu ici ? Enfin, je parle des chefs de 2002, ont-ils vraiment vécu là ? Ou sont-ils d'une autre provenance ? Parce que la question qui se pose, c'est pourquoi sont-ils inhumés à distance de la nécropole, à distance du reste de la population ? La population inhumée dans la nécropole des Crassés a vraisemblablement vécu ici, sur les vestiges de la villa antique, plus ou moins récupérés, plus ou moins rebâtis, plus ou moins réoccupés ou squattés, pourrait-on dire, même pour l'époque mérovingienne, et dans le village médiéval qui se développe après. Mais nos chefs de 2002, pourquoi sont-ils à distance, à part ? Benoît Dumézil, comment expliquer la présence de cette élite avant même la naissance de la ville de Saint-Dizier ? Là, je crois qu'il faut avoir une approche très moderne de la chose. S'il y a présence de l'élite, c'est qu'il y a de la richesse, et une richesse qu'on peut percevoir. Deux hypothèses, soit un pont sur la rivière, sur lequel on peut percevoir un impôt, un péage, et donc on aurait ici une élite administrative chargée de cette perception, soit beaucoup plus vraisemblablement une forge. On sait que le site de Saint-Dizier abrite par la suite des forges, on sait qu'il y a des minerais de fer facilement accessibles. On a des armes de toute beauté qui sont présentes sur le site, vraisemblablement un gros lieu de fabrication d'épées et là encore une élite administrative qui perçoit des revenus sur cette fabrication. On n'est pas loin d'une frontière par exemple aussi ? On est proche d'une frontière qui se trouve un peu plus au sud avec l'autre royaume mérovingien, la Burgondie. On n'est pas loin d'Andelot, le lieu du pacte symbolique qui va être le premier grand texte médiéval conservé. On est au milieu des années 580, mais il faut bien voir qu'on n'est pas loin non plus des palais. On se trouve juste à côté du site de Ponthion, qui est le lieu où Charlemagne va rencontrer pour la première fois le pape. Donc on est dans un ensemble de lieux de pouvoir qui sont certes proches des autres, mais qui en même temps un lieu tout à fait austrasien. Et on pourrait imaginer donc un palais austrasien à Saint-Dizier ? C'est peu vraisemblable. Quoique un palais mérovingien, c'est pas grand-chose. Les mérovingiens n'ont pas de capitale. Le palais, c'est l'endroit où vit le roi. Le roi se déplace régulièrement, tous les deux ou trois mois, et lorsqu'il arrive dans un endroit, il dit que cet endroit est son palais. Alors, est-ce qu'il y aurait un palais à Saint-Dizier ? On n'a pas conservé d'actes. À mon sens, il n'y a pas de raison de le suspecter, mais somme toute, pourquoi pas ? Si on trouvait une belle inscription, on serait tellement heureux. Bah ici, c'est le truc. Vous le cherchez, ce palais ? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un palais, pour être franche ici. On a clairement un très gros village, un très gros site d'habitat qui est occupé dès l'époque antique. On a une ville antique d'importance qui a sans doute dû attirer ces aristocrates francs, ou du moins mérovingiens. Mais honnêtement, je ne crois pas à la présence d'un palais ici. Mais ça ne nous empêche pas de le chercher. À cette époque, on se revendique de quoi ? De la Gaule romaine ? Des francs ? Ou tout simplement d'une élite ? Tout dépend des moments. Aujourd'hui encore, de quoi vous revendiquez-vous ? Est-ce que vous vous sentez habitant de Saint-Dizier, habitant de Haute-Marne, membre de la grande région Grand Est ou français ? Tout dépend du contexte. Et je crois qu'à cette époque-là, ça dépend aussi. À certains moments, les gens se définissent comme austrasiens quand ils veulent s'opposer aux autres royaumes de Neustrie et de Burgondie. À d'autres moments, ils se désignent comme francs lorsqu'il y a besoin d'une identité globale, notamment pour se défendre face aux ennemis. Et à d'autres moments, ils doivent sans doute se sentir habitants du site local. J'ignore comment se disait Saint-Dizier à l'époque mérovingienne, mais ils se sentent sans doute des habitants très locaux, à tel point que leurs coutumes funéraires peuvent être différentes de celles que l'on voit à 20 km. Il faut se distinguer des autres parce qu'on appartient à une communauté. Ces individus, pourrions-nous avoir affaire à quelques proches du roi, par exemple Théodoric, Théodebert Ier ou Théobald ? Ce sont vraisemblablement des gens qui ont eu accès à la cour, sans doute des gens qui ont eu accès au roi, si on en croit la présence des anneaux sur leurs épées. Les anneaux de dignité sont quand même suffisamment rares pour supposer la très haute élite. Et quelques textes, malheureusement un peu postérieurs, mais enfin existants, montrent que cette présence d'anneaux est liée à un rapport avec une autorité supérieure. On est à quelques dizaines, voire vingtaines de kilomètres des grands palais mérovingiens. Difficile de penser que des chefs n'ont pas été proches du roi, comme Thierry, Théodebert, Childebert, Sigebert, tous ces grands fondateurs de l'Austrasie. On n'est pas loin aussi de la date de création de l'Austrasie. Quelle est la genèse de ce royaume d'Austrasie ? Par force, bien sûr, Clovis, forcément 511 ? Sans doute, mais en 511, on n'a pas de nom de royaume. Tout comme aujourd'hui on a beaucoup hésité sur le nom des grandes régions, eh bien il faut bien penser que lorsque les entités territoriales apparaissent en 511, à la mort de Clovis, on ne leur trouve pas de nom. Alors les chroniqueurs nous parlent de la Belgique, nous parlent de la Germanie, des vieux noms romains, de la terre des Sicambres, la terre des Francs. Et puis ce n'est que vers les années 560, c'est-à-dire un demi-siècle après la création de ces royaumes, que le mot d'Austrasie apparaît, sans doute après un très long débat, une votation populaire comme aujourd'hui. En tout cas, c'est Grégoire de Tours qui lance le nom pour la première fois. Il le lance, mais sans conviction. Deux mentions dans ses 10 livres d'histoire qui couvrent plus de 400 pages. Autant dire quelque chose de très rare. Il sait que ça s'appelle l'Austrasie. Il préfère d'autres appellations. Il parle des Francs de l'Est. Il parle du royaume de Sigebert. C'est un nom qui est en train d'être testé et qui aura surtout beaucoup de succès au 7e et 8e siècle, où là, on a beaucoup de documents qui portent le nom d'Austrasie et surtout beaucoup de mentions des Austrasiens. Peut-être l'Austrasie, ce n'est que la somme des Austrasiens. Le VIe siècle est-il une période d'ascension sociale ou tout au contraire, cette élite est déjà totalement imperméable ? C'est un moment de grande opportunité. Il faut bien voir que l'Empire romain s'est effondré définitivement en 476. Il n'y a plus de chevaliers, il n'y a plus de sénateurs, il n'y a plus de curial romain. Désormais, il est possible, en se mettant au service du roi mérovingien, de monter, parfois de monter très haut. Au VIe siècle, deux esclaves réussissent à devenir comtes du royaume mérovingien. Le comte, à cette époque-là, c'est un haut fonctionnaire. Mais deux esclaves, très cultivés, très bons comptables, nous dit-on, excellents mathématiciens, deviennent les serviteurs du roi mérovingien parce qu'ils sont capables de percevoir l'impôt. Et sans doute, le VIe siècle est un moment d'opportunité. Ces opportunités s'arrêtent à la fin du VIe siècle, début VIIe, la naissance de la noblesse médiévale met fin à toutes les ascensions sociales. C'est l'histoire, par exemple, de Condat, qui a été décrite dans un poème de 566. On a effectivement un récit de ce serviteur du roi Sigebert qui s'appelle Condat, qui poursuit toutes les étapes d'une carrière en partant de niveau très humble au palais, de serviteur du palais, jusqu'à finir convive du roi, c'est-à-dire qu'il a le droit de manger à la table du roi et, nous dit-on, sans obligation de service, c'est-à-dire qu'il est une sorte de haut fonctionnaire à la retraite. En 717, l'Eustrasie disparaît, nous voici donc sur une sorte d'effondrement, le collapse d'un royaume. La cause en serait les Pipinides. L'Eustrasie est tuée par les Eustrasiens, par les maires du palais d'Eustrasie, par ceux que l'on appelle les Pipinides, les membres de la famille des gens qui s'appellent Pépin de père en fils, mais qu'on appellera nous les Carolingiens. Ce sont les maires du palais d'Eustrasie qui, Eustrasiens de génération en génération, décident soudainement, début du 8e siècle, de se faire appeler roi des Francs, qui réussissent et qui fondent une nouvelle dynastie. L'Eustrasie meurt de son succès presque. L'Eustrasie meurt de son succès, ou pour être exact, du succès de ses élites. Elle meurt en tant que royaume, les Eustrasiens, eux, vont peupler toute l'Europe. François Cornugentil, votre région se dénomme désormais Grand Est. Certains envisageaient même l'Eustrasie. L'Eustrasie, oui, c'était un clin d'œil de l'histoire, mais comme chacun sait, l'histoire envoie éventuellement des clins d'œil, mais ne revient pas. Donc c'est très bien, Grand Est, mais c'est pas mal de se demander comment se font et se défont les entités, les régions, les royaumes. Et finalement, si le retour en Eustrasie était impossible, et c'est sans doute souhaitable, se demander pourquoi l'Eustrasie pendant 3 siècles, est-ce qu'on a encore un lien avec ce pays un peu lointain et est-ce qu'on lui doit quelque chose? Je pense que ça vaut la peine de se poser ces questions en tout cas. En tout cas, à l'heure où notre identité devient centrale dans notre société, pourquoi l'archéologie tient-elle une place si privilégiée à Saint-Dizier? La recherche d'une identité, d'une origine eustrasienne, de vos ancêtres? Non, on n'est pas comme au 19e siècle où tout le monde essayait de s'imaginer des origines royales ou nobles. C'est pas du tout ça notre sujet. C'est d'essayer de comprendre un peu d'où vient ce territoire, hein. Ces régions de l'Est, Saint-Dizier, la Haute-Marne, c'était autrefois des régions très densément peuplées, assez riches, qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle un peu la France des oubliés. Donc on peut se sentir un peu en marge. Comprendre d'où on vient nous-mêmes, je pense que c'est utile pour l'avenir. Et donc, voilà, c'est ni pour se valoriser, ni pour se culpabiliser, c'est pour savoir un peu qui l'on est collectivement et pourquoi on est là. Aujourd'hui, l'archéologie peut être aussi un outil identitaire? Je dirais que c'est un outil politique au sens fort du terme et pas politicien, vous le comprenez bien. On voit bien, et je pense que les 6 mois qui s'annoncent vont être assez redoutables en la matière, tout le monde fantasme ses origines. Voilà, une partie des Français ont l'impression d'être envahis, ceux qui sont moins d'ici ou plus récemment d'ici se sentent les damnés de la terre, et tout le monde est paranoïaque, tout le monde se sent agressé. S'interroger sur l'Eustrasie, c'est découvrir que ces migrations de peuples, ces échanges, ça a toujours été difficile, ça a toujours été compliqué, mais c'est toujours à partir de ces rencontres que se sont bâtis des projets. Et je crois que l'identité, qui est la tarte à la crème actuelle, cette identité, c'est pas dans le passé, y compris en regardant ce qu'était l'Eustrasie, on s'aperçoit que l'Eustrasie était un projet en réalité. Et donc, regarder le passé, c'est pas trouver notre vérité figé, c'est comprendre comment les projets politiques se développent et construisent des identités. Et donc le débat actuel est malsain s'il nous oblige à nous retourner simplement et nous renfermer sur le passé, s'il nous aide à comprendre que, y compris dans le passé, l'identité, c'est des choix d'avenir commun qu'on fait, ce débat sera peut-être utile. Je rappelle le titre de l'exposition qui se tient actuellement à Saint-Dizier, Eustrasie, royaume mérovingien oublié. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Manuel Couturier, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site franceculture.fr, où vous retrouvez plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se penche sur l'archéologie des Amériques avec avec une société voisine des Mayas, les Huastecs.